nouvelle donne de JMD 8.1 abuse de 6 abuse abuse JMD 8 JMD 8 chez toi nouvelle donne si c'est this is métis mais pas des bizarres. Avec Abu je me pose sur un son bête de bizarre. Disons pendant 10 ans dans le falsarien. Maintenant que le buzz arrive, se pointe les bons ariens. Moi je rappe à tout, texte complexe, intro ouf. Si le flow tu l'as pas compris, remets-le, je prends mon souffle. Et je crois qu'abuse de thème c'est sur la vérité du genre. Qu'elle est pas toujours bonne à dire en majeure partie du temps. Sur ce beat à contre-temps, je t'explique au max que chacun a son masque. Mon but est démasqué en faisant gaffe au risque. Pas toujours bonne à dire, exemple. Pas bonne à dire à ce type que je veux escroquer. J'aime pas me moquer du monde, mais il me faut de l'oseille. J'ai besoin de croquer, que dire à ce gars qui vient de se faire agresser. Pour sa chaîne, ce sont les gars de mon quartier qu'on faille le blesser. Dois-je dire à ce type qui me présente sa future femme? Je l'ai croisé en boîte à partout avec sur elle 25 mecs infâmes. Dois-je dire à cette grand-mère qui cherche son chien? Que je l'ai vu se faire écraser, on le trouvera pas même si on cherche bien. Dois-je dire à MC que son style pue? Ça paraît difficile à dire car il est sûr que son style tue. Pas bonne à dire à ce flic qui met des claques. Me dit que je vais dormir au bloc si je dis pas d'où vient ce shit. Pas bonne à dire à cette femme qui se dit mienne, qui m'enchaîne en me demandant chez quelle chienne j'étais. Comment c'était, comment lui dire que je l'ai sauté, ôter les scrupules de ma tête. Pire, c'était chez sa meilleure amie que j'étais. Et peut-être qu'elle n'ose pas me dire qui en a un hôtel t'étais. Pour ma part, tu comprends que je peux pas dire laquelle c'était. C'est impossible que je le dise, ça ferait trop d'histoire dans ces cas-là, mieux mentir. T'as pas concevi tes francs, déjà que tu mens on dit franc. Les gens lèvent la main droite et disent je jure, rien que la vérité toujours. Toute vérité n'est pas bonne à dire, dans le sens où ça peut faire du tort au lieu d'arranger faire pire. Déjà que tu mens on dit franc. Les gens lèvent la main droite et disent je jure, rien que la vérité toujours. Toute vérité n'est pas bonne à dire, dans le sens où ça peut faire du tort au lieu d'arranger faire pire. C'est complexe, tu vas comprendre. Pour exemple, écoute situation. Grosse Kaira dans une cité quelconque, le pauvre sa petite sœur bête de pute se fait déchirer en secret tous les soirs. Pire qu'un coup de cutter, tout le monde le sait. Option 1, est-ce que tu lui dis au risque de passer pour une poucave, tout le monde se les farcit. Ou alors option 2, tu le gardes pour toi. Le gars est trop balèze, évitons les histoires parfois. Et abuse, tu penses à ça? Imagine qu'un gars à toi te présente sa zouze, mais que sa bouche refoule la bouse. Tu vas pas lui dire, tu puis du bec, je te fais pas la bise. J'ai ton nom, c'est abuse, mais quand même. Écoute ça, quelle idée, elle a eu l'autre de me demander comment je la trouvais. Ou pas, en regardant son cul, on se demandait ce qu'elle couvait. J'aurais pas dû lui dire, elle m'a trouvé trop mauvais. J'aurais dû lui expliquer pourquoi son mec se sauvait. J'aurais dû dire que son haleine était fétide. Zen lui donnait un tic-tac, était bien plus rapide. Toute vérité n'est pas bonne à dire, sans t'acculer. Circonstances comme quand j'ai dit à cette bande d'aller se faire. Je t'assure, j'aurais mieux fait de me taire. Au lieu d'aduler la vérité, j'ai pas pu reculer, mordu la poussière. Putain, aïe, ça fait mal. T'as pas ton sevi, t'es franc. Déjà que tu mens pour 10 francs. Dis genre, lève la main droite et dis tu le jures. Rien que la vérité toujours. Toute vérité n'est pas bonne à dire, dans le sens où ça peut faire du tort au lieu d'arranger faire pire. Déjà que tu mens pour 10 francs. Dis genre, lève la main droite et dis tu le jures. Rien que la vérité toujours. Toute vérité n'est pas bonne à dire, dans le sens où ça peut faire du tort au lieu d'arranger faire pire. Fier mais pas fou, j'avoue. Pas fou, pas de serment, mais s'il faut ment, au premier rendez-vous, rendez-vous compte. Abusez d'Isis, pour ceux qui veulent tester, Malone et la peste, la vérité faut qu'on leur dise. Chacun son bise, quand beaucoup, mensonge et roi, ça donne beaucoup plomb sans choix. Tout est bon, quand chacun songe à soi, même quand le remords ronge. Parfois, tu crois que t'en as trop dit, faut différencier le vrai du maudit Tommy. Même une fois ou promis, je crois qu'on peut tout dire, parler mafia, sexe, religion. Même si ça fait sourire, parler programmateur radio, en plein délire, avec un code dans le cul, rire avec des boss, majors et des gosses, mineurs, dans des plans cul, paquet de starlettes. Sans cul, l'autre, trop de gens s'en occupent et bloquent la vérité pour qu'elle reste loin de nos yeux. Ça fait pas vivre moins vieux, mais c'est aussi pour que de dire que personne fume des joints, bon Dieu. Chacun dans son coin, heureusement qu'on sait pas tout. C'est peut-être un atout, sinon tous, on a envie de casser tout. C'est assez flou, peut-être qu'on est tous dans la matrice. C'est assez fou, dis-y et abuse contre le mix. T'as pas ton sevi, t'es franc, déjà que tu mens pour 10 francs. Du genre, lève la main droite et dis je le jure, rien que la vérité toujours. Toute vérité n'est pas bonne à dire, dans le sens où ça peut faire du tort au lieu d'arranger faire pire. Déjà que tu mens pour 10 francs, dis genre lève la main droite et dis te le jure, rien que la vérité toujours. Toute vérité n'est pas bonne à dire, dans le sens où ça peut faire du tort au lieu d'arranger faire pire. Déjà que tu mens pour 10 francs, dis genre lève la main droite et dis te le jure, rien que la vérité toujours. Toute vérité n'est pas bonne à dire, dans le sens où ça peut faire du tort au lieu d'arranger faire pire. Toute vérité n'est pas bonne à dire, dans le sens où ça peut faire du tort au lieu d'arranger faire pire. This racisme, autisme, pas des bizarres. Avec un besoin de pause sur un son plutôt bizarre. Ce son chelou, j'aime, dis-moi, je trouve qu'il sonne. Encore une fois, abusé, this is pour nouvelle donne. C'est this is, autisme, pas des bizarres. Avec un besoin de pause sur un son plutôt bizarre. Ce son chelou, j'aime, dis-moi, je trouve qu'il sonne. Encore une fois, abusé, this is pour nouvelle donne. Et this is pour nouvelle donne. Abusé, this is pour nouvelle donne. GMD 8 CC.